non, c'est lui qui est à droite. Joey. Joey, il est à droite. C'est bizarre. Hein. Ah, pourtant, moi, il est au centre dans mon logiciel. Là. La batterie, elle est bien en stéréo. Toi, vas-y, joue. Toi, t'as une piste où il y a la batterie. Joey, you play on the right canal. Not on the center. It's normal? It's normal. Don't speak French. When you play guitar, your song is on the right canal, not center. It's normal. Si. Non, non, Phil, t'es au milieu, toi. Toi, t'es au milieu, Phil. Ok, it's normal. J'ai essayé les trucs, Phil. Écoute. J'ai essayé de te faire écouter. carré sur tout. Il est à droite. qu'on fasse partir au départ, non? Il y a une espèce de feeling là-dedans. Ça fait des fils là.

moment où tu n'entends pas le bois. Tattoo on the pain. Je n'aime pas les gens, mais je suis à l'étroit dans leur monde. Oh papa, thank you. je n'aime pas les gens, mais je suis comme à l'étroit dans leur monde. C'est pas que je n'ai pas le temps, mais dans mon cœur, je n'ai plus rien de ton air grand. Une basse, non? Il aime pas la chanson française. Je n'aime pas ma femme. mais j'en peux plus d'entendre, je suis pas trop grosse. C'est pas que je n'aime pas mon job, mais j'en peux plus d'être au service de mon boss. Y'a des jours où je me lâche, et j'envoie tout foutre en l'air. Je me lâche, et j'envoie tout foutre en l'air. Je me lâche, et j'envoie tout foutre en l'air. Oui, je me lâche. J'ai besoin de prendre l'air. C'est pas que j'aime pas mes vieux. Si je les écoute, je finirai dans les rangs. Potes. Mais si je les suis, je finirai dans le vent, à courir après la gloire, les femmes et l'argent. À courir après la gloire, les femmes et l'argent. C'est pas que je n'aime pas les... pas que je n'ai pas le temps. Mais dans mon cœur, je n'y peux rien, le tonnerre gronde. C'est pas que je n'aime pas ma femme. Et j'en peux plus d'entendre. Je suis pas trop gros, chérie. C'est pas que je n'aime pas mon job. J'en veux plus d'être au service de mon boss. Tant qu'il y a des jours où je me lâche et j'envoie te foutre en l'air. Oui, je veux que l'on me lâche. J'ai besoin de prendre l'air. T'arrêtes d'accorder ou quoi? succès. Écoutez une guitare. J'aime bien le... Ha ha ha.